Et si le temps me le permet, j'aimerais te couronner et faire de toi ma plus fidèle alliée. Je sais que t'as souffert de ton passé et que ton ex ne t'a pas aimé, c'est souvent blessé. Pour lui tu t'es sacrifié et t'as mal au plus profond de ton cœur. Toutes ces nuits à cogiter, à pleurer tout bas, mais tout ça c'est terminé pour toi. Mais laisse-moi devenir celui qui te comblera de toutes ces choses qui t'ont si souvent manqué. Et laisse-moi devenir celui qui t'embrassera sur ton front quand on sera marié. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Oublie ton ex, il est condamné. Et si tu tombes, y aura mes bras, oh, oh, qui seront là pour te relever. Et laisse-moi devenir celui qui te passera la bague pour te fiancer. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Moi je veux que tes enfants m'appellent papa. Je t'ai cherché pendant tout ce temps, Dieu merci je t'ai trouvé. Et je remercie aussi tes parents du cadeau qu'ils m'ont fait. Pour toi j'ai des vrais sentiments et je suis prêt à te le prouver. Mais pour ça j'ai besoin de t'entendre me jurer fidélité. Mais laisse-moi devenir celui qui te comblera de toutes ces choses qui t'ont si souvent manqué. Et laisse-moi devenir celui qui t'embrassera sur ton front quand on sera marié. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Oublie ton ex, il est condamné. Et si tu tombes, y aura mes bras, oh, oh, qui seront là pour te relever. Et laisse-moi devenir celui qui te passera la bague pour te fiancer. Je sais que le temps n'attend pas, non. Moi je veux que tes enfants m'appellent papa. Ensemble on fera la paix, et même si on doit affronter la tempête, oublie pas que je serai toujours là pour nous. Et si un jour tu doutes, rappelle-toi de cette promesse que je t'ai faite, celle de t'aimer envers et contre tout. Mais laisse-moi devenir celui qui te comblera de toutes ces choses qui t'ont si souvent manqué. Et laisse-moi devenir celui qui t'embrassera sur ton front quand on sera marié. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Oublie ton ex, il est condamné. Et si tu tombes, y aura mes bras, oh, oh, qui seront là pour te relever. Et laisse-moi devenir celui qui te passera la bague pour te fiancer. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Moi je veux que tes enfants m'appellent papa. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Oublie ton ex, il est condamné. Et si tu tombes, y aura mes bras, oh, oh, qui seront là pour te relever. Et laisse-moi devenir celui qui te passera la bague pour te fiancer. Et je sais que le temps n'attend pas, non. Moi je veux que tes enfants m'appellent papa.